tu m'as aimé ce jour d'un amour sans condition, d'un amour de compassion. Merci, oh Seigneur. El Shaddai, Dieu tout-puissant, je te dis merci d'un amour que tu m'as aimé toujours, d'un amour sans condition, d'un amour de compassion. Oui, tu as transformé ma vie, tu me combles de ta présence. Je n'ai ni argent ni or, simplement tu m'as aimé d'un amour, d'un amour où chaque jour, dans l'ampleur de ta puissance, manifeste ta présence comme une étoile dans la nuit. Toi tu guides ma vie comme une étoile dans la nuit. Tu me fais briller, Seigneur, d'un amour, d'un amour sans détour, comme l'on ne m'a jamais aimé. Seigneur, toi tu m'as aimé, ton amour était si grand, tu en mourus sur une croix, ton amour était si fort, tu triomphes de la mort, d'un amour. Seigneur, au péril de ta vie, tu as sauvé ton troupeau. Au moins la brebis égarée, tu m'as pris sur tes épaules. Moi la brebis égarée, tu m'as ramené vers toi d'un amour. Sa vie de tous les jours, le Seigneur nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il en envoya son Fils, que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. D'un amour, ce n'est cette chanson que j'entends en ton honneur, ô Père éternel, et d'un amour, d'un amour, d'un amour. Je n'ai rien à te donner, ce n'est ce chant, Seigneur.